La femme de Charles Lévêque, enregistré pour LibriVox.org. Et la femme est si belle et si douce en ses mœurs, source de pureté qui nous donne la vie, un ange sur la terre à qui Dieu nous confie pour faire notre joie et nous rendre meilleurs. Tu la vois à genoux auprès de ton berceau, lever les yeux au ciel, enfant, elle est ta mère. Ses larmes, ses soupirs, t'éloigne du tombeau. Dieu, prolongeant tes jours, exauce sa prière. Et toi, tu te fais homme, et sur ton noble front rayonne la fierté, l'amour de la patrie. Au fête des honneurs, on proclame ton nom. Combien tu dois de soins à ta mère chérie. Au milieu des plaisirs que t'offre le hasard, tu vois encore ta sœur, riante jeune fille, enlacée à ton bras. Demander ton regard, sa beauté plaît à tous, son innocence brille. Vierge, tendre et naïve, elle veut ton amour fraternel qui remplit sa pensée et t'offre sa candeur qui te paie au retour limpide et vivifiante, ainsi que la rosée. Mais la plus sainte chose est l'épouse que Dieu te remet à l'autel entre toutes choisies. Son pur tressaillement t'anime d'un doux feu. Tu goûtes le bonheur, jouis de sa poésie. Homme, oh, tu dois l'aimer, tu sais son dévouement. L'éclat de ses attraits charme ton existence. Tombe donc à ses pieds et fais-lui le serment qu'à son âme soumise, elle aura ta constance. Et toi, devenu père, au jour de ton désir, qui connaît ton devoir en ce moment d'ivresse. Tu promets au Seigneur d'oublier le plaisir pour ceindre ton enfant d'une vive tendresse. Ah, sème sur ses pas les plus brillantes fleurs, orne-la de vertu, épanche le calice qui donne tant de joie et remplit de douceur la Vierge en son printemps pour qu'elle ne périsse. Car la femme est si belle et si douce en ses mœurs, source de pureté qui nous donne la vie. Un ange sur la terre à qui Dieu nous confie pour faire notre joie et nous rendre meilleurs. Fin du poème, enregistré par Mika. Cet enregistrement fait partie du domaine public.